12. Une heureuse journée. Le vrai printemps, et non pas cet avril maussade, à chapeau de givre et de grésil, qui, comme la princesse en sa tour, s'amuse, fantasque geôlier, à tenir les fleurs prisonnières. Tout riait et tout verdissait. Dans les bois, des bandes d'oiseaux ragaillardis becquetaient la pousse nouvelle. Les prés étaient pleins de narcisses, et jaunes de poussière d'or, les abeilles ivres dansaient, tandis que, sur les champs, où, marquant la trame des sillons, le jeune blé pointait déjà, les amandiers noirs et fleuris secouaient au passé du vent la neige embaumée de leurs branches. Et les gens qui, depuis le soleil levé, sans souci du travail, ne quittaient plus le pas de leur porte, disaient et redisaient, contemplant le ciel, « Qu'il fait beau !» Il faisait même si beau, si cruellement beau, que Firmin et moi, nous rendant en classe, un désespoir soudain nous prit. Mieux qu'un désespoir, une lassitude physique. Nos pieds étaient de plomb, nos jambes ne nous portaient plus. Le collège apparaissait très loin. Il ne nous semblait pas qu'il fût possible de l'atteindre. Même en l'atteignant, il nous semblait que nous ne verrions plus finir les interminables heures d'études. Nous songions aux peines éternelles, nous avions la sensation de cet enfer du père Bridaine, dont parfois le vicaire nous faisait peur, avec son cadran sans aiguille et son balancier inexorable qui, à chaque battement, répond « jamais, toujours » au poignant ennui des damnés. Au milieu de la grande place, des vauriens jouaient en guenilles. Leur sort nous parut valoir mieux que le nôtre. Devant une porte à perron, pour qu'il jouît de la chaleur, on avait roulé dans son fauteuil un bonhomme paralytique. Sous une vieille robe de chambre à dessins indiens, son corps se raidissait, anguleux, immobile. Un visage pâle comme l'ivoire, des yeux fixes, vitrifiés. Les lèvres pendaient. Il avait un foulard noué au genou et, de temps en temps, sa main droite, qui n'était morte qu'à demi, essayait le geste de chasser les mouches. Le bonhomme faisait peine à voir, mais le collège ne l'attendait pas. Nous enviâmes ce misérable. On finit pourtant par y arriver, au collège. La porte en était entr'ouverte, et dans la cour qui fut un cloître, les professeurs se promenaient. « Pousse !» me dit Firmin. « Non, pousse, toi !» Nous ne poussâmes ni l'un ni l'autre. Le premier coup de cloche tintait seulement, il nous restait au moins 5 minutes et nous avions le temps d'aller faire un tour jusqu'aux remparts. Les remparts, ces jours dignes des dieux l'hiver et les jours de Mistral, vraie cheminée du roi René, où se donnent rendez-vous tous les paresseux de la ville pour brûler un sarment gratis au soleil en fumant des pipes. Mais combien ils nous parurent plus agréables cet après-midi-là, sans personne, dans la solitude, avec les violiers couleur de miel qui parfumaient leurs vieilles pierres et les grandes gueules de loup à fleurs blanches qui se dressaient sur le bleu du ciel, entre les créneaux. On entendait le roucoulement doux des innombrables pigeons fuyards nichés dans les brèches. La rivière grondait au loin, on se sentait en lieu d'asile. Chut! Derrière nous, par-dessus les toits des maisons, l'horloge sonne. Dong, dong. 2 heures, s'écrie Firmin. Nous sommes venus à 1h05, il n'y a qu'un instant. Tu auras mal compté, il ne peut pas être 2 heures. Alors, attendons la réplique. Mais à la réplique, l'horloge, de sa même voix, compta 2 heures gravement. Que faire ? Le temps avait coulé trop vite à notre insu. Le sort était jeté, la classe était manquée. Dire que nous fûmes navrés serait mentir. Au contraire, une fois la décision prise, on se sentit le pied plus léger, l'esprit plus libre. Maître de nous-mêmes jusqu'à la nuit. C'est maintenant que le collège semblait loin. Firmin conclut. Voilà, il faudrait cacher nos livres. Et, pour commencer, nous cachâmes nos livres au creux d'un sol poussé sur le talus croulant de l'ancien fossé, au milieu des ronces. Un garçon de ressources, ce Firmin, le véritable enfant de la nature, peu ferré sur les participes, mais qui n'avait pas son pareil dans l'art de découvrir les nids ou de dérober les fruits en maraude. Malheureusement, à cause de la saison, nous ne pouvions espérer cerises ni figues, et les oiseaux ne voletaient pas encore de buisson en buisson, méfiants et craintifs, un brin de laine au bec. La journée n'en fut pas moins délicieuse. Firmin, pour éviter les mauvaises rencontres, m'avait tout de suite conduit, loin des quartiers trop habités où les bourgeois ont leurs villas, les artisans leurs vides bouteilles, dans des lieux écartés, par des chemins perdus, derrière des collines qui cachaient la ville. En revanche, çà et là, sur les cimes, le long des rivières, apparaissaient des taches blanches qui étaient des villages à moi inconnus. Firmin me les nommait. Ceci est Beuvon, et plus loin là-bas, c'est Salignac. Tant de science m'épouvantait, je me croyais au bout du monde. Nous connûmes toutes les joies. On escalada des rochers dans des herbes qui sentaient bon. On prit le frais sous une grotte. On goûta sur l'herbe près d'une source. Et comme Firmin avait du tabac au fond de ses poches, un berger à qui nous garnîmes la pipe, en échange, nous donna du lait. Mais, à mesure que le soleil baissait, nous sentions peu à peu le remords envahir notre âme. Firmin lui-même semblait moins brave. Le premier, il parla de retour. Un retour triste, à pas alanguis. Nous marchions côte à côte, tête baissée, sans rien nous dire. Mais les mêmes craintes nous tenaient et nos pensées étaient communes. Tout à coup, je tressaillis. Devant un bastidon, aux abords de la ville, quelqu'un m'appelait par mon nom. « Cachons-nous, » dit Firmin, « c'est peut-être ton père. » Ce n'était pas mon père, mais un de ses voisins, l'estimable M. Paloc, géomètre et marchand de biens. Je le reconnus à sa voix, à sa redingote, au piquet fiché près de lui en terre et à un instrument de forme bizarre qu'il brandissait. Il m'appelait et appelait aussi Firmin. « Approchez, on a besoin de vous. Que diantre pouvait-il bien nous vouloir ?» Nous approchâmes timidement, moi plus timidement que Firmin, car je venais d'apercevoir, cueillant des fleurs, à quelques pas de l'estimable M. Paloc, la belle mademoiselle Olympe, sa fille, personne imposante, que j'aimais peut-être comme on aime à 12 ans, sans m'en rendre compte, et dont le regard noir et railleur entre des cils toujours mi-clos, je ne sais pourquoi, me faisait rougir. Sa présence ne m'étonna point. L'estimable M. Paloc amenait souvent ainsi avec lui la belle mademoiselle Olympe dans ses opérations d'arpentage. Deux paysans étaient venus, apportant chacun une brique. Et devant eux, à côté d'un trou près duquel gisait une grosse pierre, l'estimable M. Paloc nous expliquait ce que l'on attendait de nous. Il s'agissait de poser une borne entre deux parts d'héritage, et nous allions, Firmin et moi, servir de témoins. Une joie subite gonfla mon cœur, mêlée d'amour. D'abord, l'école buissonnière s'effaçait. Mon père ne pourrait rien dire. On a bien le droit de manquer le collège, une fois par hasard, pour rendre service à la société et servir de témoin à l'estimable M. Paloc. Puis j'étais fier de faire œuvre d'homme et heureux que la belle mademoiselle Olympe me vit. Cependant, les deux paysans avaient cassé leurs briques en 2 morceaux. Ils en échangèrent un que chacun garda, mirent les 2 autres au fond du trou et plantèrent par-dessus la grosse pierre. Je suivais avec intérêt ce cérémonial étrange. « Avez-vous vu ?» demanda l'estimable M. Paloc. « Nous avons vu. Alors, vous vous rappellerez. » En même temps, 2 gifles formidables, 2 gifles à nous renverser, tombaient sur la joue de Firmin et sur la mienne. Firmin hurlait. Et certes, jamais de la vie la belle mademoiselle Olympe, au désespoir, elle riait, n'avait eu l'occasion de me voir aussi rouge. Triste fin d'une heureuse journée. On eut beau m'assurer qu'il n'y avait point là déshonneur et que c'était un usage ancien excellent pour graver certains faits importants dans la mémoire. Je gardai rancune, une rancune qui dure encore, à l'estimable M. Paloc, et pendant longtemps, amoureux quand même de la belle mademoiselle Olympe, je faisais de grands détours dans mes promenades pour éviter la pierre, la maudite pierre qui m'avait vue, en sa présence, si durement humiliée.